Il y a des gens, par contre, qui sont passionnés, qui croient à leur projet, mais il n'y a pas de racisme au Parti québécois. Vu boire du punch à l'émission de Pénélope mercredi, on ne verra pas manger dans la main de nos invités ce soir. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Yes! Hey, bonsoir tout le monde. Merci d'être ici. Ben, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune et ça va donner amplement de temps à tous ceux et celles qui ont un petit fond de racisme là, de trouver d'autres excellentes raisons pour se justifier. Fred, bonsoir. Bonsoir. On fait référence évidemment à l'explication que Pauline Marois a donnée à Kamal Loutfi, l'ancien candidat caquiste qui accusait les séparatistes de racisme. Oh, oh, oh, ils sont pas racistes, ils sont passionnés. Passionnés, ouais. Tout à fait. Ah, c'est différent, ça. Oui. Ah, oui, tout à fait. Et l'histoire nous l'a démontré, hein, les gens passionnés, ça peut faire du trouble, pas à peu près. D'ailleurs, c'est pas un hasard hein, si le dictateur syrien Bachar el-Assad a affirmé cette semaine que voter PQ, ben, c'était voter pour le chaos. Je pense que c'est Bachar al-Sharet qui a dit ça. Ah, hey, je me trompe tout le temps. J'ai mélangé ces deux-là. Ça doit être le menton. En tout cas, parlant de mélanger, je sais pas si vous avez vu, hein, mais Léo Bureau-Blouin ne portait pas le carré rouge lors de sa présentation officielle comme candidat. Non, hein? Non, non, il l'avait, mais il était par en dedans. Ah, il a retourné sa veste, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est vous qui le dites. Non, en fait, c'est ce que j'ai compris. Enfin, en passant, message aux journalistes, là, pourriez-vous vous pratiquer à dire Léo Bureau-Blouin devant le miroir, là, mettons, il y a une phrase qu'on utilise, nous, là. Oui. Léo Bureau-Blouin est ébloui dans son bureau bleu. Oui, hein? puis je pense qu'il pourrait aussi pratiquer Jamila Benhabib, là, genre une phrase comme Jamila Benhabib a des beaux habits, Saint-Eustache. Il y en a qui l'ont compris, mais je pense que c'est plus Trois-Rivières. Merci, Fred. Deux noms qu'on n'aura pas à prononcer pendant cette campagne sont certainement ceux de Jean-Martin Hossan et de Françoise David. Option nationale... Ben, moins en tout cas. Oui. Option nationale et Québec solidaire ont signé un pacte de non-agression dans deux circonscriptions pour pas diviser le vote de gauche. Ouais. Sauf que là, le diviser le vote total des deux partis dans ces deux comtés-là, ça fait, attendez, ça fait 9 votes, ça, je pense. Ben, 8.5, mais c'est arrondi, ça fait 9, mais le 0.5 est important pour eux. Ouais, on va leur laisser. Oui, franchement, le 0.5, eux autres, c'est vraiment... sur une note beaucoup, beaucoup moins drôle cette semaine, on a appris que les ventes d'armes à feu ont augmenté en flèche au Colorado suite à la tuerie d'Aurora. Ouais, mais au Québec, on n'est pas mieux. Non? Non. Ah non, c'est vrai, je pense à ça. Non, vous avez raison. Il paraît que la vente des piscines monte en flèche au Québec. Ouais. Franchement, c'est troublant. Hein? Visiblement, c'est comme si on ne comprend pas. Non. En tout cas, mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles parce que pour une autre année, la criminalité est en recul au pays, selon Statistique Canada. Les seuls crimes qui sont en hausse, là, je vais les nommer, là, ce sont les homicides, les crimes sexuels contre les enfants, la pornographie juvénile, le harcèlement criminel. Il y a aussi la conduite avec les facultés affaibli et les infractions relatives aux drogues. Coudonc, c'est quoi qui a baissé? Les vols de lecteurs VHS. Ah ouais? Particulièrement depuis la fermeture des Others. Oui, ouais. Ben oui, ouais. Ouais, ça c'est terrible ça. La forteresse est en deuil. Ah ben oui, mon oncle va être bien déçu de ça. Parlant de grosses affaires passées date, Kim Jong-un, Kim Jong-un, rappelle Kim Jong-un, le grand leader de Corée, il s'est marié la semaine dernière. C'est pas Kim Jong-il? Non, il est mort. Qui ça qui est mort? Il? C'est qui ça? Regarde, il est mort, Un s'est marié, OK? Mais bon, il s'est marié, puis il paraît que ça a provoqué l'euphorie complète dans son pays. On dit que plusieurs millions d'enfants ont pris une courte pause de leur dysenterie hein, pour féliciter leur leader et son épouse. C'était touchant. Mais les organisateurs des Jeux de Londres n'ont pas de félicitations à recevoir aux autres. Non, ça, c'est affreux, ça. Vous savez, hein, ils sont trompés de drapeau lors du match de soccer de la Corée du Nord et ils ont mis le drapeau de la Corée du Sud. Puis là, les petits dysentriques du Nord ont réagi comment? Ben, il paraît qu'ils ont pleuré de rage, mais c'était pas des larmes, c'était comme du sel. Parce qu'on chèche, hein, tu vois ce que c'est? Ça va pas bien là-bas. Ça va pas bien là-bas. Non enfin. D'ailleurs, cher public... Désolé. Vous ne pleurez pas, cher public, ce soir, parce que non, on a encore des grosses, grosses pointures à l'émission. On va recevoir le chantre de la nouvelle ancienne droite, Mathieu Bock-Côté, et le nouveau chantre du Twitter, François Legault. Oui. Tout ça et plus encore à la soirée est encore jeune. Ça fait du bien rire, hein? Et que ça devient. Elvie Niquette, Olivier, oui, oui, c'est gars responsable de l'électrique à l'émission. Là. Ben oui, nous, on est sur les internets, hein, oui. On est sur Twitter, Facebook, allez au radio-canada.ca/la soirée pour visionner une belle vidéo du maire de Chicoutimi qui est ben fâché. Oui, il y a eu des graffitis sur la bibliothèque de la ville de Chicoutimi. J'étais là live quand ça s'est passé. Ah ouais. Vous dire l'ambiance dans cette ville-là. Non, mais j'ai l'impression que je me répète, mais encore une grosse semaine d'actualité, oui. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler du Conseil de la Fédération et... Oh boy, hein? Fred? Ouh! Halifax. OK! Ouais, Halifax. C'est fait! Bon, maintenant, le gouvernement du Québec a annoncé récemment qu'il annulait sa campagne de prévention du sida et des ITS, faute de moyens financiers, c'est vrai ça. Donc, à la soirée est encore jeune, on a donc pensé à aider le gouvernement en faisant de ce sujet notre top 5 hebdomadaire! Voici donc nos 5 meilleurs messages de prévention des infections transmises sexuellement à l'intention des jeunes. En 5e position, la chlamydia n'est pas une sorte de sangria qu'on peut boire sur une terrasse d'Outremont. Bien qu'avec la glace, c'est pas mauvais. Ça doit pas être mauvais. OK. En 4e position, j'aimerais que vous notiez « je n'écris pas ces phrases ». OK? En 4e position, n'oubliez pas, Herpès n'est pas un dieu grec musclé et bronzé. Mais un douchebag grec de Laval peut te le donner. Merci, Fred. En 3e position, oh, ça me fait penser à une vieille campagne de pub du gouvernement du Québec. Là. À vélo sans mon condom, es-tu tombé... Oh, j'ai de la misère à le dire. À vélo sans mon condom, es-tu tombé sur le gland? Bon. C'est pas moi qui l'ai écrit, je vous le répète. En 2e position... Et ça, c'est un vrai message. Les morpions, c'est comme les punaises de lit, mais le matelas, c'est à... Bisoun! Oui. Excellent! Et le meilleur... Juste faire attention quand on la met sur le bord du chemin, par exemple. Hein, Oui, pour pas la réutiliser. Enfin, merci, Fred. Et le meilleur message de prévention à l'intention des jeunes... Hey, le jeune, fais pas comme Richard Martineau. Mets un condom si tu veux pas attraper la démagogie. J'ai déjà attrapé. Ouais. Ça pique dans la tête, ça fait mal. Ça m'intéresse plus, Fred. Okay. Notre premier invité. Notre premier invité est considéré comme le renouveau de la droite au Québec. Ah. Mais il est surtout considéré comme l'homme de mots qui utilise le plus d'adverbes dans une même phrase. Accueillons l'auteur et chroniqueur Mathieu Bock-Côté. Ah. Mathieu Bock-Côté, bienvenue. Bonjour. Une bière. Ah, bien sûr. OK, on a une blonde, une rousse. Une rousse. Ah oui, un petit... Ah oui. Bien sûr, mais ça ne te manque d'aucune autre préférence pour la bière. Un peu plus olé-olé que je pensais. Alors, voilà une rousse. Mathieu Bock-Côté, ben, on l'a dit dans la présentation, vous êtes chroniqueur au Journal de Montréal, mm-hmm. à Choix Radio X. Vous venez de publier un livre fin de cycle aux éditions Boréal. Vous êtes chargé de cours à l'UQAM et vous êtes nouvellement chroniqueur assez bien meilleur le matin. Vous mangez à tous les râteliers, cher monsieur. Ah non, pas du tout. C'est que je n'ai pas d'exclusive. Ah! C'est-à-dire, j'ai souvent dit que j'ai prêté un jour serment d'infidélité à tous les partis politiques. C'est vrai? De la même manière, je ne vois pas pourquoi il faudrait prendre son clan. Il faudrait d'un coup n'appartenir qu'à une famille. Ma liberté, j'y tiens d'une certaine manière. N'est-ce pas un slogan? Ouais, ben c'est un très bon slogan. Mais je vais vous donner un conseil, c'est que l'exclusivité, ça se paye. On paye plus cher pour l'exclusivité. Oh non, mais il faut être capable de parler devant, non seulement dans plusieurs tribunes, mais à plusieurs publics. Parce que si on parle toujours au même public, par exemple vous, eh bien, vous êtes finalement... vous risquez d'être dans une situation où vous allez être très connu par une certaine intelligentsia tout à fait sympathique, bobo branché, et au-delà de ça, d'avoir le privilège d'être un inconnu. Ce qui n'est pas la fin du monde. Mais si vous faites le pari des idées, vous espérez que vos idées se diffusent dans l'ensemble de la population. Mais il est aussi à Télé-Québec. Hein? Oui, je suis aussi à Télé-Québec. Ah ouais, croyez-moi qu'il arrive que ces publics se croisent. Non, donc, c'est vrai. Mais donc, regardez, je dis simplement une chose, les idées doivent se diffuser dans l'ensemble de la population. C'est ce à quoi je crois, parce que je crois aux idées. Vous êtes conservateur nationaliste, c'est bien ça? Ben, c'est une manière de dire les choses, mais... c'est une manière de dire que vous dites les choses. Non, lorsque je dis, bon, s'il faut à tout prix mettre les choses dans le bon ordre, ouais, je s'il dis vous plaît. Souvent nationalisme conservateur, et voilà pourquoi la distinction. Ah. Nationalisme, parce que d'abord et avant tout, la question fondamentale, c'est à quelle communauté politique prêtons-nous fidélité. Avant même que ce soit droite, avant gauche, la question de la gauche et de la droite, c'est une chose que j'ai souvent répétée, à laquelle je tiens encore, avant la question de la gauche et de la droite, il y a la question nationale. Il y a la question du statut politique du Québec. Il y a la question... Parce que qu'on soit de gauche ou de droite, dans une situation comme celle du Québec, est-ce qu'on est d'abord... est-ce qu'on s'inscrit sous le signe du Québec ou sous le signe de la référence canadienne? Donc, de ce point de vue, bien avant tout, nationaliste. Une fois que c'est dit, conservateur, pourquoi? parce que les, je dis, j'utilise ce mot, j'aurais pu en utiliser un autre. Comme quoi? Je préfère conservateur néanmoins, ah, ben, centre droit. Mais pourquoi? Parce que je considère que la souveraineté, l'idée d'indépendance, le nationalisme, ce qu'on appelle la gauche ou le progressisme, n'en a pas le monopole. C'est-à-dire que dans un pays normal, il y a, dans ce pays qui est le nôtre, il y a des Québécois à gauche, au centre, à droite. Il y a des souverainistes à gauche, au centre et à droite. Et si on espère qu'un jour le Québec devienne un pays indépendant, il faut être capable de rassembler ces Québécois qui sont de nombreuses allégeances idéologiques, mais qui sont d'abord et avant tout fidèles à l'idée d'indépendance, fidèles au Québec. Tout comme il y a des Français à gauche, au centre et à droite. Et quand la droite gagne en France, la gauche ne demande pas l'annexion à l'Allemagne. Et bien, au Québec, là-dessus... Il déménage ici. Ouais, ça... Je vous le concède. Mais, de... justement, mais de la même manière, au Québec, il me semble qu'on devrait garder toujours à l'idée que la question nationale n'est pas une question parmi d'autres. Vous parliez justement de progrès, en fait, la gauche progressiste. Et ça, évidemment, on parlait de mots tout à l'heure. Vous êtes un peu contre, vous placez un peu à l'encontre du progressisme, parce que le progressisme est associé à la gauche. Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le progrès? Ah, le progrès est une chose fondamentale. La question est de savoir comment on le définit. Il y a une certaine définition du progrès qui me semble trop présente dans notre société, qui consiste à dire que le passé est par définition mauvais. Tout changement est nécessairement positif et nous devons nous définir par rapport au passé dans un rapport hyper critique. Au Québec, on a l'héritage de ça par notre manière même de lire notre histoire. Quand on regarde avant 1960, on n'a pas un regard nuancé capable d'équilibrer les réussites et les échecs et ainsi de suite. On dit grande noirceur. Ouais. Et bien, de la même manière, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une forme de confiance sans modération dans l'idée du progrès nous amène quelquefois à avoir un regard exagérément critique envers le passé. Et ça, ça a des conséquences à l'école, par exemple. Lorsqu'on sacrifie les grandes œuvres de la littérature, lorsqu'on oublie l'histoire, lorsqu'on survalorise les nouvelles technologies et qu'on oublie que la vieille transmission des humanités, de la culture, ça implique un rapport fructueux au passé. Ce que j'ai oublié en vous invitant, Mathieu Bocoté, c'est que j'avais une émission que d'une heure. Et ça, c'est bien dommage. Cela dit, on parlait de la droite tout à l'heure et on ne peut pas nier qu'il y a une montée de la droite. En fait, on parle du mouvement d'École rouge à Québec, par exemple, qui vient de nommer Claude Roy comme candidat. Je ne me rappelle plus dans quel comté. Pas non plus. Non, ils ne savent pas encore. Il y a le réseau Liberté Québec, il y a les radios comme Choix, Radio X, dont vous êtes le chroniqueur, ou le FM 93. Il y a une montée de la droite. Est-ce que c'est la droite que vous. Non, ça, non. Premièrement, je dirais que vous me présentez à vous, me classez à droite, je ne réclame pas l'étiquette. La nouvelle droite québécoise, je l'ai critiquée sévèrement à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que quelquefois, bon, premièrement, elle liquide la question nationale, ce qui est pour moi une erreur d'analyse et une erreur politique. Deuxièmement, quelquefois, elle est, c'est paradoxal, mais plus progressiste que la gauche. Je m'explique. Oui. Vous expliquez souvent. Mais oui, bien sûr, les choses sont complexes, vous me le permettrez, mon ami. Alors, on commence notre amitié. Mais non, pas du tout. Commence. Nous la dévoilons, c'est très difficile. OK, parfait. Je vais m'ouvrir immédiatement une bière. Une deuxième. Ouais. Et alors non, je dis, la question fondamentale pour moi, c'est est-ce que l'homme est un héritier ou est-ce que l'homme se voit toujours comme appelé à se libérer de la culture, de l'État, de la nation, de sa famille, et ainsi de suite. La droite québécoise n'en a que pour l'individu. Sa seule manière de définir le bien commun, c'est de donner à l'individu le droit de se désaffilier de tout. Désaffilier de l'État, désaffilier de la culture, avec une survalorisation du bilinguisme. Quelquefois, on présente même le Québec comme un ghetto linguistique, comme si le français était un obstacle. Ouais. Alors moi, cette survalorisation de l'individualisme, d'ailleurs, quand on fait l'histoire... Vous n'êtes pas d'accord du tout avec les gens de Choix et du FM 93? Les gens de Choix, les gens du FM 93... Je pense qu'on peut quand même dire les gens de Choix. Ce que je dirais, moi, je nommerais des interlocuteurs, mais sur cette question... On peut nommer des noms. Sur cette question fondamentale, vous avez ce plaisir. Moi, je nomme des idées. Alors, sur cette question fondamentale, le reproche que la tradition conservatrice, qui est une philosophie politique assez riche dans la modernité, fait au progressisme, c'est justement la réduction à l'individu, l'oubli de la communauté, l'oubli du politique, l'oubli de la culture. Ce que je constate, c'est que notre nouvelle droite, qui se dit souvent libertarienne, fait cet oubli et nous dit simplement, non seulement nous devons nous libérer, elle nous dit finalement, l'horizon, c'est l'émancipation de l'individu et nous devons nous libérer du dernier obstacle, c'est l'État et la culture. Vous restez avec nous, j'espère, Mathieu Bocoté. Bien sûr, je ne vous quitterai pas. Ah, j'espère, on a de la bière en masse et de la rousse en plus. Vous savez, les remakes, on la cote au cinéma américain et on pourra voir bientôt une refonte complète de l'excellent Total Recall. Vous vous souvenez de ça? Oui, j'ai vu. Avec une femme, on a très, très hâte. Mais moi, c'est ça qui m'a marqué. Le Québec n'est pas en reste. Et justement, on a mis la main sur la bande-annonce d'un remake qui s'en vient très bientôt sur nos écrans. Il est jeune. Il a l'avenir devant lui. Mais sa vie va bientôt basculer. Léo Bureau-Blouin était aux côtés de Pauline Marois pour la première fois ce matin dans le comté de Laval-des-Rapides. Il trouvera sur sa route une marâtre prête à tout pour le faire souffrir. M. Bureau-Blouin, rappelez-vous, a répondu à la question à laquelle Mme Marois a toujours refusé de répondre. Est-ce qu'on peut empêcher un étudiant d'avoir accès à ses salles de classe? La réponse de M. Bureau-Blouin, c'est oui. Sans équivoque, de manière absolue. Des milliers de belles-mères rêvent de lui faire manger du savon. Il y en a qui disent que vous lâchez le mouvement étudiant, que vous vous êtes servi du mouvement étudiant, que vous êtes un traître. Maintenant qu'il est au Parti québécois, je constate qu'il a toujours des problèmes de compréhension du fonctionnement du mouvement étudiant. Après Aurore, l'enfant martyr, voici Léo, l'enfant péquiste. Peut-être sur vos écrans le 4 septembre 2012. Eh ben! Ouais. Est-ce que c'est Luc Dionne qui va le réaliser? Je ne sais pas. Juste pour savoir. Vous êtes toujours à l'écoute de la soirée, t'es encore jeune. C'est le moment que vous attendiez tous, celui où nous retrouvons le Bernard de Rome des temps modernes, Jean-Sébastien Girard, notre reporter tout-terrain, qui se trouve toujours au cœur de l'action, au risque de sa vie. Jean-Sébastien? Hey, Jean-Philippe, bonjour. Bonjour, vous êtes où, là? Je suis présentement à l'Université McGill à Montréal parce que vous savez, Jean-Philippe, vous êtes bien beau, vous êtes bien drôle, vous êtes bien populaire, mais un jour, vous allez être vieux, chauve et tassé par les plus jeunes, et ce sont les plus jeunes que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. À l'Université McGill, il y a des camps de jour pour jeunes humoristes qui sont âgés entre 12 et 17 ans. Donc, en 2 semaines, ils ont appris à devenir des petits comiques, et j'ai 3 petits comiques avec moi, Megan, Andy et Emmanuel, qui sont respectivement âgés de 15 à 17 ans. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui. Alors, comment on devient comique en 2 semaines? Ben, pour commencer, on a appris surtout une joke. On a appris c'est quoi un setup, un punchline. On a aussi appris à se planter devant le public. OK. Ça, Fred Savard est très bon là-dedans. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi une bonne joke? Ben, en gros, pour commencer, il y a la règle de 3, que tu commences avec un sujet, tu te poursuis, tu vas dans un total contraire. Okay. C'est un exemple, au Québec, on a des beaux villages, on a des beaux paysages. Puis on a bien sûr nos nids de poules. Ah, ça c'est très très drôle. Écoutez, ben pour voir si j'ai bien compris le concept, je vais vous conter une blague, une joke. Vous allez me dire si c'est drôle, OK? Alors par exemple, si j'étais à la radio et je disais, on a appris que les ventes d'armes ont monté en flèche au Colorado suite à la tuerie, mais remarquez, au Québec, on n'est pas bien mieux. Paraît que les ventes de piscines n'ont jamais été aussi élevées. Est-ce que c'est bon, ça? Pour commencer, la fin n'a aucun lien avec le début. Ah non, OK. Et ensuite, c'est vrai que le sujet au début est un peu délicat. Un sujet très délicat, je pense. Hein. C'est un peu trop tôt. C'est une joke, ça? Ouais, c'est une joke. Okay. Donc, c'est une blague qu'on serait mieux d'éliminer pour le moment. Ben, pour l'instant, oui. OK, parfait. Alors, on le saura pour la prochaine fois, Jean-Philippe, si vous voulez. Et je vais aller à la recherche d'autres enfants que je vais kidnapper pour un peu plus tard au courant de l'émission. Ben, je vous remercie beaucoup, Jean-Sébastien. C'est vous qui me remerciez. Ben, je sais bien. J'espère qu'il y a un atelier de prononciation, hein, parce qu'on n'entendait pas super bien. En tout cas. Il n'a peut-être pas la jeunesse des humoristes de demain, non, mais il peut certainement encore faire rire, parfois. Fred Savard! Merci, c'est une belle présentation, ben oui, je suis émute. Vous rendez hommage à Mathieu Bock-Côté. Oui, tout à fait. Et là, moi je suis désolé, là, je vous ai entendu tantôt votre entrevue, je considère que vous êtes de droite. Je comprends qu'au Québec, c'est difficile d'être de droite avec tous les morons que nous avons, mais... Pardon? Vous allez voir, non. Vous allez voir. D'abord, il faut dire que je n'ai pas toujours été très tendre avec vous, Mathieu Bock-Côté, à une certaine époque. Je vous trouvais un style empoulé, une prosodie bouffie d'orgueil où les enflures verbales semblaient prendre toute la place. Mais au lieu de rester en surface, je me suis mis à vous lire. À dose homéopathique, c'est vrai, mais à vous lire quand même. Et je me suis rendu compte que j'étais en présence d'une intelligence supérieure. Et là, on va se le dire, la droite québécoise, depuis presque toujours, excluant Jean-Charles Harvey, ne nous a pas gâtés en intelligence supérieure, et le supérieur est même de trop ici. Si cette chronique avait été écrite au printemps dernier, vous ne seriez peut-être pas le seul à recevoir des fleurs, car à l'époque, Joseph Facal représentait encore quelqu'un capable de discernement, mais depuis qu'il s'est jambonisé suite à un funeste rêve mettant aux prises Amir Kadir et l'Armageddon, vous êtes maintenant bien seul parmi vos troupes. Cela dit, je ne voudrais pas trop m'étendre sur Joseph, lui qui nous apprenait... Lui qui nous apprenait dans une chronique particulièrement déchirante qu'il a fait euthanasier son chien Hugo. Et comme le dit le poète, son chien est mort. Mais, heureusement, vous n'êtes pas mort, Mathieu Bock-Côté, parce que sinon la droite ferait vraiment pâle figure. Car la jambonisation se poursuit malgré vos efforts. On doit même ajouter Guy Fournier maintenant, hein, parmi les thuriféraire de cette droite porcine. Ce qui est plutôt étonnant de la part de ce lubrique chroniqueur, un ancien de la boîte, hein, qui, au lieu d'aller au PQ comme tant d'autres, a plutôt choisi de franchir le Styx de l'Empire québécois. J'en profite d'ailleurs pour dire à M. Fournier qu'à l'instar de Léo Bureau-Blouin, moi non plus, je n'ai pas le câble depuis Belle et même LED Lurette, ce qui ne m'empêche pas d'avoir tout le recul nécessaire pour mépriser une grande partie de son œuvre télévisuelle, wow. Ce qui prouve qu'on peut très bien être informé sans regarder la télé. voyez, je tombe moi-même dans le piège des invectives, ce qui arrive encore trop souvent quand nous débattons de la gauche et de la droite, mais je sais que votre intelligence, Mathieu Bock-Côté, nous permettra de nous élever au-dessus de la mêlée pour que se fasse ce débat gauche-droite, un débat que nous avons trop longtemps repoussé aux calendes grecques, mais maintenant que la Grèce est en faillite, nous n'avons plus le choix. Mais ce n'est pas avec les Éric Duhaime et les Joanne Marcotte que nous l'aurons ce débat, à moins de considérer le sophisme et la mauvaise foi comme des ingrédients essentiels à un déjeuner riche en acides aminés. Car, contrairement à ces deux sbires, vous avez non seulement une fulgurante intelligence, mais surtout une autre qualité qui vous démarque de tant de drétistes, et je parle ici de votre sens de l'humour. J'en ai eu la preuve l'an dernier, alors que j'ai pu partager un moment de radio en votre compagnie, qui a définitivement changé le regard que je portais sur vous. J'ai alors vécu une sorte d'épiphanie, quand j'ai réalisé que vous n'étiez pas seulement un homme de droite, mais surtout un être humain doté d'un sens de l'humour, une qualité rarement présente chez les émules de John Locke. Parce que chez vous, on ne sent pas l'habituelle hargne des drétistes qui n'ont de salive que l'écume qui s'accumule autour de leur bouche fielleuse. C'est peut-être que votre vie personnelle vous comble d'une plénitude dont seule votre charmante épouse, une collègue, a le secret. Parce que, vous avouerez, Mathieu Bock-Côté, que l'humour est essentiel au bonheur de l'être humain. Nous n'avons pas encore d'humour de droite au Québec, mais nous avons une pointure de droite qui en a, et c'est vous. Et ça me remplit d'espoir pour qu'un jour nous ayons un monde meilleur. Car j'ose espérer que vous serez contagieux dans vos propres troupes. Parce que, comme le dit le proverbe, donnez du poisson à un homme et vous le nourrirez une journée. Mais apprenez-lui à rire et il oubliera qu'il a faim. Longue vie à vous, Mathieu Bock-Côté. Eh ben... Ben, c'est un bel hommage quand même, Mathieu. Moi, j'accepte tous les compliments. Ben, moi, je veux comprendre. Hey, on va retourner immédiatement avec l'ami Jean-Sébastien et ses apprentis drôles. Jean-Sébastien? Oui! Oui. Puis? Ben, voilà. Alors, je suis toujours ici, effectivement, avec mes jeunes humoristes de 12 à 17 ans, donc qui veulent devenir humoristes, et ça fait partie du programme, comprendre le métier d'humoriste. Alors, vous devez devenir humoriste. Pourquoi vous voulez faire de la peine à vos parents? C'est quand la famille, on considère qu'on atteint moins les personnes parce que, justement, ils sont notre famille. OK. C'est moi, mon boy a fait des jokes sur moi depuis que je suis tout petit. Maintenant, je prends ma revanche. Alors là, c'est une revanche. Alors, il y a des gens dans l'actualité qui disent que les humoristes font souvent des blagues sexistes. Sont un peu... Est-ce que ça vous appartient? Personnellement, on n'en a pas, mais c'est sûr qu'on peut-être en faire une de temps en temps. Mais il y a une règle, genre, qui dit que si t'es pas dans le domaine dont tu parles, faut pas que t'en parles. Maintenant, si t'es pas gros, faut pas que tu parles des gros. Donc, il faut être gros pour faire des blagues de gros. En gros, oui. Pardon? Est-ce que vous avez des modèles en humour? Moi, j'aime Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent? Moi, j'ai Stéphane Rousseau. Moi, j'ai Stephen Harper. Ah oui, il est pas mal bon, effectivement. Est-ce que vous aimez beaucoup Fred Savard? Quel gars? Parlant d'inconnu, Jean-Philippe Vautier, l'animateur, est-ce que vous auriez des conseils pour lui, pour qu'il soit un meilleur animateur, un peu plus drôle? Ben, pour être meilleur animateur, pour commencer, j'aimerais bien ça qu'il m'amène à la ronde, ça, ce serait de 1. Okay. Et pour être plus drôle, ça serait bien, genre, qu'il trouve son sujet à cibler comme moi. Ce soir, j'ai un spectacle, tu sais. Puis je vais cibler les bandes annonces et l'école. Okay. Donc, Jean-Philippe doit cibler davantage ses sujets. Donc, Jean-Philippe, cessez d'être diffus et brouillon. Ciblez vos sujets et vous aurez beaucoup de succès. C'est un gros plus, hein, ce que vous faites pour Merci, nous. Merci, je le sais. OK, bye-bye, hein. Bye. Fred, le deuxième invité. Notre deuxième invité a fait fortune en créant Air Transat et espère voler aussi haut à la tête de la CAQ. Nous verrons le 4 septembre si son nouveau parti se transformera en Cessna. Accueillons le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault! Oh! Mais là, vous avez pas... Il n'y a pas de Cessna Air Transat. Non, pas encore. Ben non, c'est ça que je disais. Une bière, François Legault? Oui, certain. Surtout une boréale. Ouais. Ben, c'est ce qu'on se dit, hein? Une bonne bière québécoise, là, tu sais. Bière québécoise, puis j'ai une petite confidence à vous faire. Mon fils, un de mes fils qui a 18 ans, travaille pour Boréal cet été. Donc, deux bonnes raisons pour encourager Boréal. Ben je peux comprendre. Buvez tout le monde. Premièrement, François Legault, merci de vous être déplacé pour 150 $. Je sais que normalement, vous venez avec 25 000. Je le sais. Les libéraux chargent plus cher. Alors, en plus, ben, on est très contents. C'est pour ça qu'on n'a pas de libéraux depuis le début. Hein? Ouais. Ben, maudine. Non, mais on s'est mis en gang. Ouais, quand j'étais au Parti québécois, on m'exigeait 80 000 par année. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes un parti cheap? Oui, bien là, c'est ça. Vous n'êtes pas cher, hein, comme parti? Il me semble que je ne suis pas cher. Hein. Ben non, mais c'est ça, je me dis. Ben d'ailleurs, je vois ça, là, la CAQ est assez loin derrière les autres partis en matière de financement. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, je veux dire, écoutez, en fait, c'est des chiffres. Fait que ouais. C'est pas fait, on s'attend là, pour la prochaine campagne électorale. La coalition va dépenser à peu près 2-3 millions, alors que le Parti québécois et le Parti libéral vont dépenser chacun 10 millions. Ah. Donc, c'est vrai qu'on va moins dépenser que les deux autres partis. Est-ce que vous allez avoir 5 fois moins de députés que chacun des autres partis? On va avoir 125 candidats comme les autres. Ah oui, candidats, c'est bon. Oui. Oui, c'est bon. Parce que justement, non, c'est que je pensais 125 députés, j'étais là, vous visez fort pour, pour une première élection. Mais hier, on a entendu Laurent Lessard qui s'est comme un peu échappé, là, qui a parlé des élections le 4 septembre. Tout le monde a été très surpris. Oui, oui. Des élections le 4 septembre, on s'en attendait pas. Je pense qu'il y aurait autant de surprises à ce qu'il y ait une élection la semaine prochaine qu'il y en a eu quand on a appris que Pierre Duchesne était souverainiste. Ah, ça, c'est... mais ça, c'est... il est passé chez vos anciens collègues au PQ, Pierre Duchesne, évidemment, notre ancien collègue à Radio-Canada. Vous n'êtes pas surpris de ça, que des journalistes de Radio-Canada s'en aillent directement au PQ? Non, beaucoup de constitutionnalistes, beaucoup de gens qui s'intéressent à la souveraineté s'en vont au Parti québécois. Je n'ai pas encore vu un ministre des Finances ou un ministre du Développement économique au Parti québécois. J'ai hâte de le voir. J'espère que Mme Marois en a un. Mais c'est vrai que beaucoup de gens qui s'intéressent au groupe de pression, des jeunes. Mais supposons, là. Ouais. Puis ça arrive. Je pense qu'il y a 16 syndicalistes jusqu'à présent déjà d'annoncer. Mais je pense à ça, M. Legault. Là. Au hockey, on voit souvent ça. Juste avant les séries éliminatoires, quand on voit que ton club ne fait pas les séries, ben, tu te fais changer pour un meilleur club. Vous êtes aux élections, les élections, vous faites élire comme 3 députés. Ça vous tente pas de devenir ministre des Finances pour un gouvernement du Parti québécois, par exemple? Bon. Ah, vous allez dans une meilleure équipe. D'abord, il faut dire, il y a un sondage qui est sorti cette semaine de COP. Oui, oui, oui. On a augmenté de 4 points. Oui, ben on ça, est le seul parti à avoir augmenté vraiment. Les autres ont à peu près végété. Ça dépend du sondage qu'on regarde. Hein? Oui, mais moi, je prends le COP. Oui, on va prendre on va prendre le COP. Après ça, on prendra le sondage. Non, mais il faut comprendre, là, au Québec, depuis 5 mois, on a parlé à peu près juste d'un sujet, la crise étudiante. Puis là, c'était très polarisé. On était soit pour le gouvernement, soit pour les carrés rouges. Donc, c'est difficile d'avoir de la nuance dans ce temps-là. Ou comme Mathieu, un peu entre les deux. Ouais, ben sur cette question, oui, j'ai dit assez rapidement que je refusais d'avoir à choisir entre Jean Charest et les héros bureaux Blouin. Excusez-moi. Gabriel Nadeau-Dubois. Sérieusement. C'est la même chose. Non, pas tant que ça. Mais la fausse alternative entre une rue qu'on présentait comme la Révolution et un gouvernement qui était en dessous de tout, ce n'était pas une vraie alternative. C'était une crise infiniment plus complexe. Et la manière dont elle se présentait dans l'espace public, c'est la meilleure manière de rien comprendre à la question du financement des universités puis et la question de la scolarité. La grande absente de tout ce débat-là, c'est la qualité de nos universités. On a beaucoup parlé des frais de scolarité, mais comment fait-on pour mieux financer nos universités, cesser de perdre nos meilleurs professeurs? Comment on fait pour mieux investir dans nos écoles, pour que nos enfants aient plus de services? C'est ça le vrai débat, pas les frais de scolarité. Mais vous savez, François Legault, ce qui est amusant, ce qui est le fun avec vous, c'est qu'on est capable de connaître votre position sur plusieurs sujets parce qu'on vous suit sur Twitter. Parfait. Et ça, c'est un gros, gros plus. Vous parliez de financement des universités. On vous a vu naître sur Twitter avec un débat avec Martine Desjardins. Fascinant, par ailleurs. Et là, évidemment, on fait tous des erreurs dans la vie. Vous en avez peut-être fait une ou deux sur Twitter. Et qu'est-ce que vous avez appris de vos erreurs? Sur Twitter, particulièrement. Bien, écoutez, il faut toujours être prudent. Moi, je le savais, là. Je suis un entrepreneur qui est habitué de prendre des risques. Ouais. Quand on est sur Twitter, il peut y avoir toutes sortes d'interprétations. Mais si on n'est pas sur Twitter, il y a plus de désavantages parce qu'il faut faire connaître notre programme, surtout quand on est un nouveau parti. Ouais. Faut faire connaître son programme. C'est une façon, c'est une plateforme additionnelle qui s'ajoute à la radio, à la télévision, aux journaux. Et je pense que même s'il y a des désavantages puis des risques de dérapage, comme c'est arrivé, ben il y a quand même plus d'avantages de discuter en direct avec les citoyens. Ben justement, on en apprend beaucoup plus sur la CAQ et plus sur vous. On apprend que vous aimez jouer au golf. d'ailleurs. Oui. On trouve ça le fun. Vous avez joué avec votre femme récemment. Je suis Twitter, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais est-ce que vous saviez qu'il y a des conseils qu'on peut prendre pour devenir de mieux en mieux sur cette plateforme-là? Et ça, ça vient de Body Media qui vous propose de devenir des as du tweet. J'ai retenu 2-3 conseils qui vous concernaient. Le premier, c'est... je trouve ça important. Tweeter aux heures de bureau, c'est-à-dire entre 8 et 7. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ceux qui vous suivent vont être beaucoup plus susceptibles de vous lire. Par exemple, la chicane que vous avez eue avec Martine Desjardins, il était tard. Ouais. Personne n'a suivi ça. Mais... je trouvais ça plate, moi. Non. Mais, comme vous pouvez vous imaginer, oui. De 8 à 7, on est parfois occupé à rencontrer des gens. Il y a des groupes qui veulent nous rencontrer. Twitter, c'est comme un bureau, rencontre des éventuels candidats. Donc, t'es occupé le soir. Vous en mettez dehors de temps en temps. Non, mais on en met même dehors. Oui, mais, c'est ça. Il faut, à un moment donné, aussi tweeter lorsqu'on a du temps. Puis moi, ça m'arrive le soir dans mon salon. Si vous avez des gros débats... En 10h minuit. Oui, ouais. C'est ça. Mais si vous avez des gros débats, gardez-le pour le milieu de la journée. Il y en a un que je trouve franchement très approprié pour vous. Là. Trop de tweets tue le tweet. Ça, je vous le dis, ouais. Commencez tranquillement. Ouais. La première journée, 50 tweets une journée, il y a des gens qui ont trouvé que c'était trop. Ah oui. Ouais. Je sais que Fred a chialé énormément. Ouais. Je n'aurais pas chialé énormément. Mais oui, je crois que c'est beaucoup. Hein. Mais par contre, je regarde presque à tous les jours, à tous les soirs, ouais. Beaucoup de gens me disent « Vous n'avez pas répondu à ma question. » Parce que là, je suis rendu à 10 000 abonnés. Ouais. Ça fait beaucoup de questions. Ouais. Et on essaie de répondre au maximum de questions. Là, on dit, il y a eu 50 tweets. Ben, les gens disent, oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous savez, donc, c'est le problème que Gabriel a comme un dilemme. La démocratie directe, là, c'est bien maudit, la démocratie directe. Ouais. Donc, vous savez que aussi Léo Bureau-Blouin va avoir son premier vote secret. Le 4 septembre. Ah ben oui, ça va faire changement, ça. D'ailleurs, pourquoi vous n'avez pas recruté... On parle de candidat, là. Pourquoi vous n'avez pas recruté un candidat aussi jeune pour faire face à Léo Bureau-Blouin? Je veux dire, un candidat du mouvement étudiant, on parlait de Laurent Proulx, par exemple. Ben ouais. Ça serait un bon candidat. Non, mais il y a des gens qui rient, mais c'est vrai, là. Je veux dire, il pourrait faire un bon candidat. Mais je vais vous donner un scoop. Ah boy. OK, allez-y. La semaine prochaine, on va annoncer une jeune qui est à l'Université Laval. Et qui va se présenter pour la coalition. Ah oui, pour puis, la coalition? Oui. Une fille qui... Quel âge? Qui a bien de l'allure. Elle doit avoir à peu près 19 ans. 19-20 okay. Son nom de famille, juste pour nous situer. Non, je vais regarder okay, ça pour okay, la semaine prochaine. Ouais. Mais au moins, on a un scoop. Ouais. Mais on regardait quand même... on faisait le décompte des gens qui... On va avoir un docteur la semaine prochaine qu'on va annoncer aussi. Oui, ça, on a bien hâte de savoir ça. C'est monsieur... Comment son un nom? Un docteur en quoi? En médecine. Ah, en médecine, OK. Je pensais en études constitutionnelles. On faisait des comptes des gens qui sont candidats dans votre parti et sur 83 candidats annoncés, en tout cas, seulement 16 sont des femmes. On ne peut pas parler de parité, à moins que vous ayez une étude de l'OCDE qui explique pourquoi les filles attachent moins d'importance à la CAQ que les garçons. Mais il faut voir la qualité. Ouais. Hein? D'abord, on a une présidente, Dominique Anglade, ouais, une ingénieure. Oui, Claire Isabelle, PhD en éducation. Ouais. On a Chantal Lompré, mm-hmm. qui est la présidente de la Fédération des directeurs d'école. Mm-hmm. On a Nathalie Roy, que les gens connaissent. C'est une ancienne journaliste de TQ. Donc, il y a des filles de qualité, des femmes. Il faut que je dise des femmes. Oui, bien, ça dépend. Quoi que la prochaine candidate de 19 ans, c'est peut-être plus une fille. Oui. Cela dit, c'est important d'avoir la parité. Mais pourquoi moins de femmes? Parce que c'est difficile de recruter des femmes. Je pense que dans tous les partis, c'est la même chose au Parti québécois. C'est la même chose, certains, au Parti libéral. Ouais. Je pense que c'est la même chose dans le monde. Malheureusement, les femmes, pour toutes sortes de raisons, n'aiment pas la chicane, n'aiment pas le débat. Je dis, faisons attention de ne pas généraliser. Faisons attention de ne pas généraliser. Là, j'en vois qui tweet dans la salle. Ça arrive au téléphone. Quand vous regardez, là, je pense dans tous les partis, il y a comme 4 ou 5 hommes pour une femme qui veut faire de la politique. Donc, il faut évidemment forcer pour essayer d'aller chercher un certain pourcentage. Ouais. Mais c'est malheureux, d'ailleurs. Il faudrait que les femmes s'intéressent plus puis s'impliquent plus en politique, même si parfois mais vous savez, c'est un peu chicanier. Problème? C'est très bien payé, le métier de député. Puis les femmes, on le sait, c'est pas tiré par l'argent. François Legault, on est avec Mathieu Bock-Côté qui a fait franchement des rapports sur les différents partis, de grands textes et des présentations sur tous les partis qui vont se présenter à l'élection. Dans la campagne électorale. C'était franchement intéressant. Sur la CAQ, Mathieu Bock-Côté nous disait François Legault, je cite, hein, François Legault manque de charisme politique. Il ne maîtrise pas le verbe. Churchill parlait de la sueur des larmes et de l'honneur et de la civilisation chrétienne. Margaret Thatcher prétendait lutter contre la décadence, blablabla. Legault nous parle de gains d'efficience, de compétitivité accrue. On manque de charisme. Est-ce que c'est vrai, ça, Mathieu? Vous l'avez, François Legault, à vos côtés. Est-ce qu'il manque de charisme? Mais je parlerai franchement, je crois que oui. C'est-à-dire, c'est un homme de valeur, très certainement. Oui. Mais depuis toujours, nous savons qu'en politique, le verbe est fondamental. À tout le moins, depuis les Grecs, nous le savons. Oui. La maîtrise de la parole publique est indispensable. Pourquoi? Pour être capable de permettre d'imaginer le destin, pour être capable de quelquefois transformer l'effort difficile en... On permet à travers le verbe de donner une autre dimension à ce qui arrive. Alors, c'est quoi les conseils que vous donneriez à M. Legault? Je n'ai pas de conseils à donner à M. Legault au niveau de l'art oratoire, ça le concerne. Mais j'aurais quelques conseils à lui donner, cela dit, un seul, simplement. Parce que j'insiste, c'est un homme de valeur. Ça, je n'ai jamais dit le contraire. La maîtrise du verbe, on l'a ou on ne l'a pas. Mais ce qui lui manque, probablement, lorsque je le vois, c'est qu'il y a une vision trop gestionnaire de la politique, trop technique de la politique. Ouais. J'ai l'impression, lorsque je le lis, lorsque je l'écoute, que les questions existentielles, culturelles, identitaires, sociales sont absentes, sinon de son programme, à tout le moins de ses préoccupations. Le meilleur exemple, c'est sur la question de l'éducation. Si je ne me trompe pas, François Legault demeure encore aujourd'hui sympathique, sinon fidèle à la réforme scolaire. Ouais. Lui qui se réclame du centre-droit, lui qui prétend avoir une vision plus humaniste des choses de ça, qu'attend-il pour congédier cette réforme scolaire qui a congédié le savoir, les connaissances, la culture? Qu'attend-il pour nous dire qu'en éducation, il ne s'agit pas simplement de mieux payer les enseignants, mais de réhabiliter la culture? On va laisser parler M. Legault, mais là, j'ai une idée, là. Pourquoi vous n'êtes pas le Cyrano à Christian? Il me semble, vous pourriez être son orateur à M. Legault. Non, d'aucune manière. Vous feriez une belle équipe. Je me permets de mieux analyser les programmes de tous les partis, mais je remarque, cela dit, dans cette série, ce que j'ai consacré aux partis politiques, juste un mot là-dessus, j'ai distingué chaque fois... Juste un mot, je ne vous crois pas, par exemple. Bien sûr que non. Mais c'est une voilà, mon ami, c'est une technique rhétorique, mais vous venez de me déjouer. Mais il faut voir que dans tous les partis, il y a des propositions intéressantes. D'accord. À tout le moins, il peut y en avoir une, il peut y en avoir 10, mais dans chaque parti, on cherche à faire avancer le Québec. Ce qui manque quelquefois, c'est la vision d'ensemble. Bon. Et M. Legault. Bon. D'abord, la grande différence entre Mathieu et moi, c'est que Mathieu, c'est un gérant d'estrade. Il n'est pas sur la glace. Okay? Moi, je suis un entrepreneur qui est dans l'action, qui a démarré un parti politique pour changer les choses. Mathieu pourra critiquer, mais il ne changera pas les choses. À ce que je cherche, moi, j'ai pas le Mathieu Buck Airlines. Moi, j'ai une chance de changer les choses. Ouais. Okay? Et mon objectif en fondant le parti... c'était pas d'être le meilleur orateur, c'était de dire, voici, au Québec, il faut changer un certain nombre de choses. Parce que c'est pas vrai qu'on va passer d'un débat fédéraliste-souverainiste à un débat gauche-droite. Il faut investir en éducation, mais il faut être capable que les gens qui travaillent dans les écoles soient imputables. Tant qu'à moi, le problème dans les écoles ne vient pas de la réforme. Réforme, il y avait des ajustements à apporter, on a commencé à les apporter, mais par contre, actuellement, ce sont les bureaucrates qui ont le pouvoir dans nos réseaux de l'éducation. Ce sont les commissaires d'école, les gens dans les commissions scolaires. Ce qu'il faut, c'est enlever de la bureaucratie, redonner le pouvoir aux enseignants, les laisser choisir les meilleurs moyens pour faire réussir les enfants, mais en échange, qui acceptent d'être évalués. Oh, mot tabou au Québec, être évalué, performance, des mots qui sont défendus au Québec. Il y a des gens comme Mathieu qui pensent qu'on a voulu remplacer les connaissances par des compétences. Ouais. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu ajouter les compétences aux connaissances pour que les jeunes sachent à quoi servent les connaissances. Mais il semble que ça a été fait un peu proche. Mais ça a été mal implanté pour toutes sortes de raisons. Pas les commissions scolaires, toujours. Mauvaise collaboration. OK. Et des syndicats d'enseignants. Bon, je pense que syndicat, c'est le mot que ça nous prenait pour fermer ça. Je pense que c'est excellent. Monsieur Legault, vous restez avec nous, merci. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Son regard sur l'actualité de la semaine est aussi incandescent que la flamme olympique, mais il ne nous coûte pas 15 milliards. Voici le billet d'Olivier Niquette. Bon. Seulement, vous chargez combien pour être ici chaque soir, vous? Un peu moins que 15 millions. Ah, OK, d'accord. Quoi de neuf cette semaine? Eh bien, j'ai commencé ma fin de semaine en regardant la dernière émission de Mario Dumont à VTL, une émission empreinte d'émotion avec un dernier sujet qui passera à la postérité, le phénomène des jeunes dont les pères sont riches en tabarnak et qui immortalisent leur oisiveté sur le web. Rich Kids of Instagram, que ça s'appelle. Une belle façon de boucler la boucle de l'apathie intellectuelle qui caractérisait cette émission, sauf lorsque Mathieu Bock-Côté vous y participiez, évidemment. Encore un hommage. Eh oui. Des photos de jeunes des photos de jeunes qui baignent dans l'argent, donc qui n'ont sans doute jamais fréquenté nos cégeps et qui n'ont donc pas été, comme moi, brainwashés lorsqu'ils étaient petits. Joanne Marcotte. Ça dénote vraiment ce qu'enseignent nos professeurs anarchistes, militants, gauchiste au Québec dans nos cégeps. C'est ça qu'on a à déplorer. Vraiment, c'est d'une tristesse infinie, là. Ah, oui, c'est là, triste. C'est très tout triste. D'un coup, là, je vois mon cours d'algèbre léniniste et vectoriel d'un tout autre œil. Ça explique bien des affaires, ça. Lundi, on apprenait que des scientifiques avaient réussi à créer une méduse artificielle à l'aide de muscles de cœur de rat cultivés en laboratoire. Un genre de Frankenstein aquatique, là. Oui. C'est fou à cette heure, ce qu'on peut faire, hein? Mais hein. Ça aurait même l'air qu'ils sont en train de transformer un fougueux leader étudiant de 20 ans en politicien ennuyeux de 58 ans. Faut le faire, hein? Mardi, le Québec est entré dans la modernité. Oui, une première québécoise. On nous a annoncé que nous aurions enfin du gavage de compétition de par chez nous, comme les Américains. C'est 5 onces d'effilochés de porc dans un petit pain. Une petite cuillerée de cosla pour faciliter le tout. Okay. Puis on va l'emmener. Celui qui va réussir en 10 minutes d'en avaler le plus grand nombre va être le champion du bedon. Décadence, hein? Une preuve de plus que Jean Charest a raison, le chaos est à nos portes. Remarquez qu'un jour, lorsqu'un petit gars de chez nous triomphera sur la scène internationale et deviendra champion du monde du bedon, je regretterai peut-être d'avoir dénigré ce sport. Hey, avoir notre Céline Dion du porc effiloché, là, on serait-tu assez fiers, hein? On ira à Las Vegas pis tout. Mercredi, Kathleen Lévesque, quand elle a perdu le concours du journaliste qui se fait le plus emplir en 10 minutes de conférence de presse alors qu'elle a été huée par les militants du PQ pour avoir posé une question. N'avez-vous quand même pas l'impression d'être complètement instrumentalisé par le Parti québécois pour atteindre une cliente? Bon, faut les comprendre, au PQ, là, ils confondent souvent journalistes et militants. Oui, c'est pas évident. Et parlant d'instrumentalisation et PQ, là, on apprenait jeudi que Jamila Benhabib allait se présenter sous la bannière péquiste aux prochaines élections. Une autre preuve que, contrairement à ce que le candidat déchu de la CAQ, Kamal Loutfi, disait, les séparatistes sont pas racistes, sauf une fois au chalet à Trois-Rivières. Je suis souverainiste, puis à part de ça, je trouve que les députés puis les ministres puis tout là, ça devrait être des Québécois, pas des immigrants ou Les gens des régions, hein, sont tous pareils. Moi je trouve que des députés puis des ministres puis tout là, ça devrait être des Québécois, pas des pecnos. Mais citer un péquiste pecno, là, pour conclure que Trois-Rivières n'est pas prête à élire un immigrant comme plusieurs l'ont fait, là, je trouve ça malhonnête. Surtout aujourd'hui, alors que Trois Pistoles sera envahi par des racistes comme Gabriel Nadeau-Dubois ou Chose Richard, là, les apartistes, là. Ah ouais, Richard Z. Vanasse. C'est ça. Écoutons le maire de Trois Pistoles. C'est sur YouTube, là, ils disent, c'est les apartistes, Richard, je sais pas trop qui dit pour les Crérous, là, ça sera 35 $ pour rentrer au site du Décofête, puis les Corébins, ça sera 1 625 $. Il n'y a pas une forme de racisme dans ça, monsieur? Oui, monsieur. Trop souvent, on s'est moqué de cette race de monde qui lutte contre vents et marées pour le bien commun de leurs droits individuels et qui n'ont plus qu'un seul refuge, le web et les rich kids of Trois Pistoles. Merci, bien. Ah, merci beaucoup. Écoutez, on le sait, Québec solidaire n'est pas le parti politique avec la caisse la mieux remplie. C'est pourquoi, grâce à nos amis de Choix Radio X, à Québec évidemment, on a pensé leur faire de la belle publicité gratuite à part ça. À quoi ça ressemblerait un gouvernement avec Québec solidaire? Dans un monde superficiel motivé par l'argent, un seul parti se dresse pour offrir des solutions concrètes. J'ai l'impression qu'on se promènerait toutes nu-pieds. Nous promettons d'abattre l'épouvantail du néolibéralisme pour en faire des vêtements d'automne. On aurait des costumes là, faits en paille. Enfin, un vent de fraîcheur pour le Québec et pour vos culottes. Pas de bobettes parce que, tu sais, sinon il faut laisser passer l'air, tu sais. Notre première priorité, abolir les saisons. On n'aurait pas d'entreprise. On cultiverait nos champs, même l'hiver. Un seul parti peut vous offrir tout ça. Ah non, ça serait beau avec Québec solidaire, là, comme gouvernement. Le 4 septembre au soir, votez Québec solidaire. Ah! Ben, vous êtes un petit peu de Québec solidaire, Fred, hein? Ah, énormément, pas de bobette. Ouais, on me le dit souvent, ouais. Ben non, je sais. On va retrouver Jean-Sébastien, futur Pulitzer. Jean-Sébastien! Voilà. Bonjour, Jean-Philippe. Alors, je suis toujours avec mes jeunes humoristes de 12 et 17 ans à l'Université McGill. Les jeunes, on vient d'entendre une très, très belle entrevue avec François Legault. Est-ce que la politique, c'est quelque chose qui vous intéresse pour écrire des monologues? Ouais, c'est vrai que la politique, en tout cas au Québec, dans une situation, on peut trouver un paquet de jokes drôles là-dessus. Ouais, effectivement. Et surtout quand on est concerné, c'est beaucoup plus facile de faire des blagues sur son... Ouais. Et le François Legault en question, est-ce que c'est une bonne pâte à joke? Est-ce que ça vous inspire? Ouais, je sais en tout cas que François Legault, il est bon dans son émission 19-2, dans son rôle de policier. Moi, je trouve très bon dans une gag spot chez vous. Les boys, ça c'est Claude Legault. Oui, c'est Claude Legault. On parle pas de Raymond Legault non plus, le mari de Louise Turcotte. Je vous parle de François Legault. Ah, ben moi, tout ce que je sais, c'est qu'il a formé un parti qui s'appelle la CAQ. La CAQ, c'est vrai. Moi, je sais qu'il a fusionné avec la DQ. Mm-hmm. Oui, puis t'es lié ensemble, ça s'appelle la CAQ. La CAQ DQ. Oh, vraiment, les boys. Vraiment. On est sur Radio-Canada. Oui, on est sur Radio-Canada, parce que c'est pour ça que je vais vous inviter à laisser faire vos blagues scatologiques. En terminant, je voudrais savoir, est-ce que, en tant que futur humoriste, vous aimeriez vous retrouver sur le plateau de l'émission La soirée est encore jeune, rencontrer tout le monde? Non. Bien sûr. Oui? Vous aimeriez ça? Sûr. Ben, c'est juste une question comme ça, j'ai pas vraiment de proposition. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Vous vous en allez à votre spectacle. On vous souhaite bonne chance et on vous retrouve dans 20 ans au Théâtre Saint-Denis. Hey, merci, Jean-Sébastien. Hey, que vous êtes bon. Je le sais. Arrêtez. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fred, c'est à vous. Il est notre correspondant à Québec et Ottawa, mais comme il travaille surtout au off-post, il économise beaucoup en billets d'autobus. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. On s'est ennuyé, Jean-Philippe. Excusez. Ben oui. Laissé. Eh ben comme toute émission de radio estivale qui se respecte, là, on va faire un peu de remplissage. Ben oui. On va parler de lecture. On va parler de lecture d'été. Et vous vous êtes intéressé aux lectures des chefs en vue de la campagne qu'on ne sait pas quand elle aura lieu, mais qu'on se doute que. Exactement. Okay, exactement. Ouais. Alors allez-y. Ben comme vous savez, donc entre deux séances de photos de Twitter ou de candidats vedettes ou de saupoudrage de millions, ben les chefs se nourrissent l'esprit. Hein, Monsieur Legault également. On a su cette semaine que Jean Charest, à part lire « L'art de la guerre » de Sun Tzu deux fois par jour. Lis en ce moment la biographie de Robert Bourassa par Georges Hébert-Germain. Oui, en fait, biographie. Ouais. Portrait de proximité. Excusez, c'est bon. Ça permet d'éviter de s'empêtrer dans des choses grotesques là, comme les dates puis les faits. Là. Ah, ça! Ça! Exact. Il y a Pauline Marois, de son côté, elle lit un thriller. Ça s'appelle « Les anges de New York », R.J. Ellery. C'est un enquêteur tourmenté qui tente de régler ses problèmes relationnels avec sa famille, ses collègues, et arrêter un tueur en série, ce qui me rappelle un peu son année 2011, avec son parti et le push de Gilles Duceppe. Oui. Françoise David lit également R.J. Ellery, Les Anonymes, quatre meurtres, une enquête policière qui mène aux plus hautes sphères du gouvernement américain. Mais selon Amir Kadir, en fait, c'est pas une fiction, c'est un livre historique. Jean-Martin Hossan, de son côté, lit la biographie de... Jean-Martin Hossan, ah oui, c'est Option Nationale, lit la biographie de Bill Hicks, un humoriste américain, pour préparer probablement son après-carrière. Et M. Legault, on a su que vous lisez « Mémoire d'Adrien » de Marguerite Yourcenar, quand même un chef-d'œuvre. Vous êtes rendu où, là? Oh, je l'ai terminé avant-hier. Et puis, écoutez, à lire. À tous les chefs là, qui veulent avoir une vision un peu des décisions qu'on a à prendre dans une société. Ça se passe au 2e siècle. Ben, c'est ça, c'est la biographie. Entre Rome et Athènes. Ouais, c'est absolument. Pas Adrien Arcand. Non, c'est Adrien qui a un H. Donc, vous vous inspirez d'un empereur romain. Hein? Ouais. C'est ça. good. Mais plus que ça, vous avez aussi sollicité l'avis du vrai monde pour qu'il suggère des lectures aux chefs. J'ai fait un François Legault de moi-même. J'ai lancé l'appel sur Twitter. Arrêtez donc. La sexologue Jocelyne Robert, elle suggère au chef de lire Journal d'un corps de Daniel Pénac, où il y a beaucoup de masturbation, semble-t-il. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a conseillé ça. Ben, c'est Jocelyne. Hein? Mais il y a eu des suggestions précises, comme à Jean Charest, il y en a qui conseillaient de lire Crime et Châtiment ou Le Parrain. C'est pas lui qui l'a écrit, ça? Non, enfin, je sais pas. Et Pauline Marois, on lui suggérait de lire Le Secret de Rhonda Byrne. Vous savez, le livre de pensée magique, là, pour savoir, pour devenir tout ce que vous voulez. Là. Oui. C'est ça. Écrivez-vous un chèque et vous allez devenir riche. Là. C'est, donc, on lui souhaite beaucoup de bonnes lectures. Amir Kadir, Changer de destin de François Hollande pour apprendre la langue de bois, les généralités, les lieux communs. Des atouts essentiels pour avoir du succès en politique. Oui, oui. Et Monsieur Legault, on nous a suggéré un livre qui est lié à votre ancienne compagnie Air Transat, aux commandes du destin du commandant Piché. C'est l'histoire d'un gars qui s'envole, ça va bien, ça monte. Puis là, rendu en haut, il n'y a comme plus de carburant, puis il faut qu'il trouve un moyen de se poser sans s'écraser. Il a réussi. Il a réussi, hein? Il a réussi à se poser, il a réussi. Hein? Donc, et maintenant, tout le monde le connaît. Hein? Ouais, exactement. C'est moi qui l'ai embauché, M. Boucher. Hein? C'est vrai? Oui, oui, absolument. Quand j'étais président d'Air Transat, c'est moi qui l'ai embauché. Bon. Puis il a réussi à se poser. Tout le monde était sauf. Et puis, vous connaissez ça, vous, les gens qui sont capables de réparer des chutes? C'est bon, ça. 25 ans aujourd'hui qu'Air Transat a été créé. Aujourd'hui? Non, non, cette année. Ah, OK, mais là, moi, j'étais tout excité, j'étais là, on va tout avoir des billets gratuits. Bon, et pour ceux qui ne savent pas lire, Jean-Philippe, là, il y a des films, j'imagine. Il y a des films. En fait, vous avez peut-être vu le dernier Batman. En fait, non, tous les chefs se réclament de Batman. Hein. M. Charest qui dit qu'avec le PQ, ça va être le chaos. M. Legault, Mme Marois qui veulent débarrasser la société de la corruption. Alors, tout le monde se prend pour Batman. Mais plusieurs, sur Twitter, les incitent à lire à aller voir des films comme La vérité si je mens. Je ne sais pas pourquoi. Moi non plus. Un dimanche à la campagne aussi pour prévoir les prochains week-ends. Et c'est un conseiller à Jean Charest d'aller voir Massacre à la tronçonneuse. Pardon? Oui, c'est une... Je ne sais pas pourquoi non plus. Et Pauline Marois aussi, on lui suggère n'importe quel film d'ado où la petite nerd apprend comment devenir la fille la plus populaire de l'école. Et à M. Legault, on suggérait un film qui s'appelle Piché entre ciel et terre. C'est l'histoire d'un gars là, qui décolle, ça va bien. Puis il gagne à la fin, c'est ça? C'est ça! Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. Monique Giroux, il fait une scène au Faisan Doré avec Marc Derry et Marco Cagliari. On a également Bande à part qui va suivre, animé par Élodie Gagnon. J'aimerais remercier toute l'équipe, Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Julie-Christine Parent et notre stagiaire Nicolas Guindé. Et évidemment, l'extraordinaire Philippe Roberge à la console. Et un immense merci à nos invités, Mathieu Bocoté, que vous pouvez lire et relire au Journal de Montréal. Et évidemment, avec son dernier ouvrage, Fin de cycle, ça va être en campagne électorale, ça va être hyper intéressant. On vous suit, Mathieu Bocoté. Merci. Et François Legault, on peut le suivre, évidemment, sur Twitter, mais partout au Québec durant les prochaines semaines, on imagine. Bonne chance pour le 4 septembre. On vous remercie énormément. Et quant à nous, vous pouvez nous suivre sur Twitter à twitter.com/lasoirée. Nous réécouter grâce à notre balado disponible sur le site de Radio Cannes. Et écrivez-nous si vous voulez assister à notre prochaine émission. Ça, c'est vendredi à 19h. Et nos invités, Christine Saint-Pierre et Pierre Duchesne. Alors, ici Jean-Philippe Vautier. On vous dit à la semaine prochaine pour une autre soirée qui sera, on l'espère, encore jeune. Oui!